dimanche 29 juin. Madame, monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grands titres. Près de 20 personnes ont été mordues par des chiens enragés en province Changhuzhe depuis fin mai de cette année. Des élus du peuple déplorent cette situation. Le rapporteur spécial sur le Burundi en matière des droits de l'homme brosse un tableau sombre sur la situation des droits de l'homme au Burundi et sur les élections du 5 juin. Il demande que ces élections soient réorganisées et inclusives. Et l'ambassadeur du Burundi à Genève rejette le rapport de Fortuné Gaëtan Zongo. Dans cette édition, on revient également sur une trentaine de cultivateurs attrapés dans la réserve naturelle de la Rukoko. Cela fait une semaine, vous l'entendrez, dans cette édition mise en onde par Alphonse Kubgiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore une fois dans cette édition. Les résultats de différentes élections organisées depuis 2015 au Burundi et remportées par le parti au pouvoir montrent qu'il y a absence de compétition réelle au Burundi, selon le rapporteur spécial sur le Burundi en matière des droits de l'homme, qui s'est exprimé jeudi 26 juin lors de la 59e session du Conseil de l'ONU aux droits de l'homme à Genève. Revenant sur les récentes élections du 5 juin, Fortuné Gaëtan Zongo estime que ces élections devraient être réorganisées et inclusives puisque, dit-il, émaillées de nombreuses irrégularités suivies. Le score de 96% obtenu par le parti au pouvoir aux élections de juin 2025 contre 68% en 2020 et 60% en 2015. Ces chiffres traduisent une absence de compétition politique réelle. La période couverte par mon rapport, j'ai observé un climat tendu autour du scrutin du 5 juin. Bien que le processus se soit déroulé sans violence ouverte, il a été marqué des tensions, des intimidations, une forte restriction de l'espace civique. Des irrégularités sérieuses ont été relevées par la mission d'observation de la Commission Justice et Paix et d'autres observations, notamment le bourrage des urnes, les votes multiples, les pressions sur les électeurs, les entraves aux observateurs. Le système judiciaire manquant d'indépendance, les recours sont inefficaces pour les candidats lésés. Ce contexte compromet la crédibilité des élections, accentue les fractures sociales et accroît la défiance à l'égard des institutions. Je suis également préoccupé du dysfonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, aggravé par la fuite de son ancien président, M. Sixte Vigny, et la nomination irrégulière de ses nouveaux membres. Cette situation, qui est contraire au principe de Paris, et appelle donc à examen de son statut A par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits humains. En mai dernier, lors de ma participation à la session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les échanges ont confirmé la nécessité d'une réponse coordonnée face à la détérioration des droits de l'homme au Burundi. En conclusion, je recommande l'organisation d'élections réellement inclusives et crédibles, la réouverture de l'espace civique, la protection des journalistes et défenseurs des droits humains, la fin des spoliations financières et le respect des droits des populations vulnérables, dont les femmes, la création de mécanismes judiciaires indépendants pour lutter contre l'impunité et enfin, le soutien actif des partenaires régionaux et internationaux pour une transition démocratique. Et en réaction, Elisa Nkerabirori, ambassadeur du Burundi à Genève, rejette ce rapport du rapporteur spécial et parle plutôt d'une organisation d'élections dans le calme et la tranquillité et remet également en cause le mandat du rapporteur spécial sur le Burundi. Il nous semble encore une fois légitime de se demander la pertinence de ce mandat, de l'intérêt des pays qui en sont les initiateurs, de prétendre qu'il est opportun, en vertu de l'obligation, nous disent-ils, de prévenir des graves violations des droits de l'homme, d'atténuer le risque d'escalade des conflits, quand une fois de plus, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans sa mise à jour annuelle, sillonnant les graves crises d'insécurité et de violation des droits du droit international que notre monde traverse, et nous interpellant d'en avoir conscience et d'exercer le mandat alloué à ce Conseil, n'a en aucun cas fait mention du Burundi comme préoccupation. Ce Conseil cherche à se réinventer et réfléchit à la rationalisation de ses initiatives. Il est temps que ce mécanisme soit objectivement réévalué et qu'on revienne sur les fondamentaux de la résolution qui institue ce Conseil au regard du point 4 de son ordre du jour, censé se pencher sur les situations de réelle crise de violence des droits humains qui, dans l'urgence, requièrent de son attention. À cet égard, il est aberrant que le Burundi soit sur l'agenda de ce Conseil depuis 10 ans, comme si la situation s'est figée dans le temps, d'autant plus que l'initiative de ce mandat pays part déjà d'une vérité tronquée et d'une manipulation délibérée de l'information. Nous déplorons que les rapports vous présentés soient fallacieux, toujours dans l'intention de désinformer ce Conseil, d'altérer la perception de la réalité, de discréditer, voire de renier les institutions républicaines mises en place par la volonté du peuple. Nous regrettons et profitons de cette occasion pour condamner avec ferveur que depuis 10 ans, notre jeunesse, nos filles et nos fils, soient stigmatisés, diabolisés et déshumanisés auprès des instances internationales sans aucunement prétendre prendre en considération leur réputation et leurs ressentiments. Le Burundi réitère son engagement en la promotion et la protection des droits humains, mais rejette avec vigueur ce mandat pays, injuste et méprisant. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certains habitants de la ville de Bujumbura estiment qu'ils ne sont pas encore indépendants, car disent-ils, il y a des secteurs de survie qui sont encore paralysés. Le 10 au moment où le Burundi va célébrer mardi 1er juillet son 63e anniversaire de l'indépendance. Ces habitants demandent au gouvernement de mettre beaucoup d'efforts à la recherche de solutions aux problèmes de carburant pour que les Burundais se sentent réellement indépendants. Suivez ce micro-baladeur. Si j'essaie d'analyser avant l'indépendance, compte tenu de ce que nos grands-parents nous ont dit et de nos propres observations, beaucoup de choses ont changé et d'autres sont encore en besoin de changement. Par exemple, les conditions de vie des gens de ces jours-là par rapport à aujourd'hui ont connu une amélioration. Nous avons progressé. Les gens mangent bien. Cependant, il y a encore des manquements parce qu'on est encore en voie de développement. Nous ne pouvons pas dire que tout est parfait. Mais je pense que 80% de la population se porte bien aujourd'hui. Ils cultivent, ils font du commerce et voyagent. Je dirais que sur le plan de l'alimentation, en moyenne, je dirais que les gens ont des besoins qui ne sont pas satisfaits parce que la population a beaucoup augmenté et les besoins ont augmenté en conséquence. Et la capacité de les satisfaire, par contre, semble avoir diminué. Sur le plan de l'habillement, vous voyez que la plupart des habits que les gens portés sont des habits importés. Donc on n'est pas encore parvenu à assurer l'autonomie du pays par une production locale. Au niveau économique, on n'est pas du tout indépendant. Je crois qu'il dépend souvent des aides extérieures jusqu'à maintenant. À ce niveau-là, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire pour parvenir à l'autonomie, à l'équilibre, pour parvenir à avoir assez de ressources en devise pour satisfaire les besoins fondamentaux. Quelle indépendance alors que les gens meurent de faim. Autrefois, les gens considéraient beaucoup cette fête de l'indépendance, mais aujourd'hui, ils ne s'en souviennent même plus. Le citoyen burundais n'est pas encore indépendant parce que nous avons encore de défis. Voyons par exemple le problème de déplacement. Nous avons besoin de changement, à mon avis. Le problème du carburant entre la population burundaise. Une fois la solution trouvée, la condition de vie du citoyen burundais sera améliorée. Et selon la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, son président Célestin Savimana estime qu'il ne peut y avoir de véritable indépendance tant que des secteurs comme l'éducation et la bonne gouvernance ne sont pas respectés et que chacun ne se sent pas impliqué dans le développement du pays suivi. C'est très bon d'avoir été indépendant politiquement. Utilisons cette indépendance politique pour piloter le Burundi et même les étrangers qui vivent ici, afin d'arriver à une indépendance économique. Il y a des préalables. L'arabe, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance économique, politique, lutte contre la corruption, contre l'exclusion, lutte contre les barbarisations, et puis faire des programmes adéquats d'enseignement, puisqu'il faut que l'enseignement, ils aiment dire que ce soit adéquation, formation, emploi, il faut que les gens qui vont sur le marché du travail puissent être opérationnels économiquement pour produire. Et il faut un secteur de la santé performant. Vous voyez l'état de nos routes, il faut des infrastructures. Vous voyez, on n'a même pas une compagnie d'aviation. On n'a même pas de carburant. Et alors tout ça, ça vient avec quoi? Des programmes, de la bonne gouvernance, je dirais un cadre qui attire des investisseurs. Puis vous pouvez augmenter les revenus nationaux, augmenter la production, pouvoir faire des exportations, voir tout cet argent qu'on dit des devises, vous pouvez tout acheter, ce qui est nécessaire aujourd'hui à l'extérieur, et vous allez développer votre pays. Même l'expertise intellectuelle que vous n'avez pas, vous allez amener des expatriés que vous payez, qui vont vous aider en attendant que les vôtres puissent acquérir la même expertise. On parle des minéraux. Donc le Burundi serait doté, la nature l'a beaucoup doté en minéraux. Mais ces minéraux, il faut les exploiter. Alors, j'espère bien que les autorités ont pris des options, des dispositions pour que ces minéraux soient exploités. Je me dis qu'on ne devient pas comme le nickel. Moi, je me rappelle dès qu'on était même à l'école secondaire, tout le monde nous parlait du nickel qui allait développer le Burundi. Maintenant, ça fait bientôt plus de 50 ans, l'exploitation de ce nickel est à l'état projet. Il faut que la parole soit suivie par des actes concrets. Je ne parle pas de la lutte contre la corruption, je ne parle pas de la réforme, de l'enseignement, je ne parle pas de la, d'une bonne politique d'investissement, je ne parle pas aussi de la stabilité politique. Célestin Nsavyimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. Page santé, à présent, plus de 19 personnes ont été mordues par des chiens enragés en province de Changuzo en une période de moins d'un mois, selon un député élu dans cette province qui parle d'une rupture nationale de ces vaccins lors de l'analyse du rapport d'audit jeudi sur la gestion de quatre hôpitaux, à savoir Karusi, Makamba, Bururi et Kibumbu. Cet élu du peuple a demandé qu'il y ait libéralisation de l'importation des vaccins antirabiques. En réaction, Dr Alidou Nebaradehana, ministre de la Santé, a répondu que ce problème est connu du ministère et qu'il trouvera solution au même titre que d'autres médicaments. Suivez-la dans cette traduction française de Larry Irakoze. La question du vaccin antirabique est en train d'être résolue comme celle d'autres médicaments en général. Nous sommes au courant de cette situation de Changuzo et nous avons recommandé de faire recours à des districts qui avaient reçu des stocks durant le mois d'avril pour qu'ils puissent partager avec ceux qui avaient vidé leurs stocks en attendant de nouvelles commandes. Je vous l'avais annoncé en titre, plus de 30 cultivateurs ont été attrapés dans la réserve naturelle de la Rukoko depuis la semaine passée. Ils ont été conduits dans différents cachots de cette province. Ils étaient en train de récolter leurs champs, leur accordés par des coopératives au début de cette année. Ils demandent aux autorités de les rétablir dans leurs droits. Et l'administrateur de la commune Gihanga recommande à ces cultivateurs d'attendre des décisions d'une réunion en cours de préparation sur des orientations de ces récoltes, une information que nous devons à notre correspondante en province Bubanza, Spes Caritas Kabanyana. Ces cultivateurs, une trentaine, attrapés dans la réserve naturelle de la Rukoko à Gihanga depuis la semaine passée, ont été conduits dans différents cachots à Gihanga et au camp militaire de Mudubugu, où ils passent des journées entières à fabriquer des briques selon les témoignages de ceux qui ont été relâchés. Ils ont été attrapés en train de récolter le champ de manioc, de patates douces, de soja et autres qu'ils ont plantés dans des champs donnés par les responsables des coopératives de culture de coton. Et ces champs ont été clôturés à l'intérieur de la réserve naturelle de la Rukoko lors de l'installation des bornes. Ces cultivateurs qui ont même porté plainte auprès du président de la République demandent que tout au moins, en attendant la réponse, qu'ils puissent récolter leurs champs. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils ont contracté des dettes lors de ces travaux. Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Gihanga, demande à ces cultivateurs d'attendre et de ne pas se hasarder dans la réserve de la Rukoko sans autorisation. Il précise qu'il est prévu un entretien avec les responsables de l'OBPE afin de voir comment ces cultivateurs puissent récupérer leurs récoltes. Et concernant ces propriétés, ils doivent attendre la réponse du président de la République selon l'administrateur de la commune Gihanga. Spécialitas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana qui a assuré la mise en onde. Au revoir.